qu'on vit et celle que l'on rêve. Mais laquelle Bardi serait la plus vraie? Je m'endors dans mes songes, je repeins les cieux de la couleur que je veux. Je prends le temps de m'allonger un peu pour respirer le ciel bleu. Quand je me réveille, fine ces doux sons qui parvenaient à mes oreilles. C'est désormais les bruits de cette ville enfumée qui vont me bercer toute la journée. Et je sens mes pensées s'évader, mes paupières déjà lourdes se sont refermées. Loin de la terre que j'ai quitté, le temps d'un rêve. Dans le bleu du ciel, mes pensées s'entremêlent, et très vite le réel me rappelle. Bien sûr que la vie qu'on rêve n'est pas la plus vraie, mais moi je l'utilise pour construire celle que je vis. Ce sont ces pensées qui jour après jour me font espérer, m'obligeant toujours à me relever pour continuer d'avancer. Noyé dans cet univers, les fragments de ma vie ne sont que poussière, et le rêve, même s'il n'est qu'éphémère, apaise de ma colère, sentiment amer. Mais laquelle Bardi